parler de ses projets. Exercice 4. Je l'appellerai demain pour l'inviter à boire un verre au paradis du fruit. Ça sera parfait, car il ne boit jamais d'alcool. Ensuite, comme il aime la photo et l'écologie, on pourrait aussi voir l'exposition de Yann Arthus-Bertrand et assister à une conférence à la Maison de l'écologie. J'adore danser, et lui aussi. C'est pourquoi je vais lui proposer d'aller en boîte samedi soir. J'ai 2 entrées pour le Papagao. J'espère qu'il acceptera. Enfin, dans 3 semaines, c'est le printemps de Bourges. J'ai l'intention d'y passer 2 jours pendant le festival, car il y aura de très bons groupes de rock.